Charline Sylvie Joly n'est plus, alors je le dis, osez prendre le pouvoir, Charline. Osez être le porte-parole de ces femmes drôles, ces patronnes rigolotes. Osez, Charline, foncez. Charline, eh bien, vous savez, si j'ai gagné, nous allons tenter d'être à la hauteur, de lui arriver au petit orteil à Sylvie Joly. Et tiens, bon, c'est l'émotion là. C'est l'émotion. On va lui dédier cette émission. Voilà ce qu'on va faire. Et lui rendre hommage. Merci Laetitia Gaillet. Passez un bon week-end. Ouais. À lundi. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, tout le monde est là. Bonjour, Charline. Oui, bon, alors je vais mettre les choses au point tout de suite. Le premier qui fait une remarque déplacée à l'invité. Ah non, c'est pas notre genre, Charline. Le premier qui lui rappelle qu'elle a joué dans des films. Elle s'en souvient qu'elle a joué dans des films. Apparemment, toi aussi, tu t'en souviens. Oui, elle serait venue il y a 10 ans, je connaissais bien sa famille. Je ne veux pas le savoir, Alex. Elle est là pour du théâtre. Moi, ça me donne envie d'être, comment dire, Shakespeare. Ah ben voilà, un bon exemple. Ça, c'est la première et la dernière remarque du genre. Merci, Samy. De rien. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là si tôt? Ça n'arrive jamais. Non, parce que j'avais rendez-vous dans le coin. Comme par hasard, le jour de Clara Morgan. Non, mais Charline, calme-toi. Non, mais je suis calme. Vrai, ils ont été très élégants depuis ce matin. C'est les filles qui le disent. Mais voilà, je me suis énervée pour rien. Oui, attends, tu serais pas un peu jalouse par hasard, toi? Moi? Alors, Oui, toi. Alors là, pas du tout. Je vais te dire, Charline, s'il y avait eu des sextapes de toi, on les aurait regardés aussi. Ah, et puis c'est tout. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Oh non, je suis sûre que vous préférez Clara Morgan. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, vous dites ça pour me faire plaisir. Allez, on travaille. Allez, on prépare l'émission. On y va. Et on axe Théa. Ah, merci les garçons. C'est normal. Mais s'il y avait des vidéos de moi un petit peu olé olé, donc là, ça vous plairait? Oui, on l'a dit, ça nous plaît. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà tapé Vanuna Kernu sur Google? Mais non. Jamais. Alex, comment ça s'écrit Vanuna Kerr? Je sais pas. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui attache l'actualité au radiateur. Et voici les trois informations qui vont avoir un coup de chaud d'ici 18h. Nicolas Sarkozy met en garde ses rivaux contre les ambitions personnelles. Faut pas le chauffer. Ça va se terminer par des athémies, un cinquième d'ange et des prises au sol, car je suis ceinture bleue. Vincent Bolloré a placé ses hommes à Canal+. L'armée est en marche. L'industriel breton entend devenir le Murdoch latin. Comment tout cela va-t-il finir? À la fin, l'enculé un mouton. Qui sont Jackie et Michel? Les Patrick Sébastien du porno, ce sont d'anciens instituteurs qui ont été formés au web grâce à l'éducation nationale. Et pour cette très bonne vanne de l'éducation nationale... Merci Michel. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui a préparé cette émission voire comme jamais, comme jamais plus, c'est Alex Vizorek. C'était pour pas vous décevoir, Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui j'ai sélectionné une belle équipe à 17h20, une nouvelle voix pour l'émission qui n'est pas une nouvelle voix pour la chaîne. Elle nous parlera de musique à travers un mot, ce qui nous changera d'André Manoukian qui lui en utilise beaucoup trop des mots. Bonjour Mélanie Bauer. Bonjour, ravie d'être là. Vous nous parlez. Le mot du jour c'est sexy, non? On accepte en tout cas. Ce sera ça. À 17h30 aujourd'hui pour son reportage, il a décidé de rentabiliser son temps, ce qui pour un néo-gaucho est une aberration. Il a profité d'aller voir la pièce de notre invité pour y faire un reportage. Bonjour Guillaume Meurice. Tout à fait, bonjour Alex, bonjour Charline. Je suis allé devant le Palais des Glaces à la rencontre des fans de notre invité. C'est la troisième fois qu'on voit la pièce. Voilà, sachant qu'elle a débuté fin août, ça fait quand même un peu flipper. Un vrai fan. Et à 17h30, le poète de l'actualité sportive. Il est l'inverse du journal L'Équipe, puisque ses papiers sont truffés d'approximations factuelles, mais sont particulièrement bien écrits. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors et à tous. On va parler un peu de Ligue 1, parce que c'est formidable le Ligue 1. Il y a un match de l'équipe de France ce soir, mais enfin on va plutôt parler de Ligue 1, parce que ça revient et c'est formidable. Ça passionne tout le monde à 17h55, quand on l'entend. On sait que le week-end commence, et ça je n'arrive pas à savoir laquelle des deux informations passionne le plus les gens. En tout cas il sera là, c'est Frédéric Fromet. Et vous avez préparé cette émission comme rarement, Alex Vizorek, sauf pour les horaires des chroniqueurs. On entendra d'abord Samir Bouadi, et ensuite Mélanie Bauer. Et voilà. Vous êtes un petit peu déconcentré. Vous faites un piège, d'habitude c'est la musique d'abord. Voilà, vous êtes un petit peu déconcentré, mais c'est pas grave. Nous sommes en compagnie d'un référent de la République. Vous êtes né sous Giscard, vous devenez acteur actrice dans des films de genre, donc, et heureusement vous entamez cette carrière en 2000 car c'est l'année des 35 heures. Et puis vous présentez notamment le journal du Art sur Canal Plus en 2001 quand Amélie Poulain sort sur les écrans. Depuis vous avez produit des albums de musique et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis sur les planches. Oui. Ah, mais comment ça s'appelle? Alors, sur les planches. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Clara Morgan est avec nous. Oui, ah, mais voilà. C'était ça que vous vouliez me faire dire. Elle me disait quelque chose. On cherche à faire dire des choses aux invités, sachez-le, Clara Très Morgan. Très bien, je suis prête alors. Alors, on peut vous voir dans une pièce de théâtre, vous brûlez les planches cette fois-ci. Ladies Night, c'est au Palais des Glaces. Vous avez déjà commencé la représentation, ce qui a donné tout le loisir à Guillaume Meurice de venir vous voir cette semaine jouer. Alors, qu'est-ce que ça donne, Guillaume Meurice, Clara Morgan sur les planches? Ah bah alors, il faut que je fasse une critique théâtrale. Là, non, vous avez le choix, une critique. Vous pouvez lui poser des questions. Mais c'est pas facile à côté de l'invité. Non, mais si, c'est facile parce que j'ai beaucoup aimé, donc ça va. Ah, donc, ça va. Je peux être rassurée. Attention, donc ça, c'est un cachet très rare. Ouais, donc on commence par les compliments et après, c'est un petit peu la technique Zemmour et Renaud. C'est dans le bon sens. Non, c'est une vraie comédie populaire, donc ça, c'est vachement intéressant, c'est vachement réussi parce qu'on rit beaucoup. Et c'est également une comédie sociale puisque c'est une adaptation du film Full Monty, donc ça parle pas mal de chômage, de crise également. Enfin, c'est sur fond, en tout cas, de chômage et de crise. Complètement. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet. Est-ce que c'est la pure comédie ou le fait que ça parle aussi de la société? Évidemment, c'était un tout. J'ai eu la chance qu'on me propose plusieurs pièces de théâtre et en plus, en même temps, c'était assez marrant, comme si cette direction m'était promise cette année. C'est-à-dire, vous ne m'avez jamais répondu à ce scénario. Et c'est vrai que c'est celle qui m'a le plus intéressée parce que, effectivement, sur Fonds Social, malheureusement, encore et toujours d'actualité, puisque c'est une bande de potes au chômage, donc un petit peu démoralisés, désœuvrés, un peu au bout du rouleau. Alcoolique, tout quoi. Voilà, exactement. Et des gens du Nord-Pas-de-Calais, on pourrait dire, par exemple. Alors, à la base, je crois que le scénario original, effectivement, a été écrit par rapport à des gens qui seraient originaires du Nord. Ah, voilà. Et la réadaptation est un petit peu plus pour tout le monde. C'est-à-dire que tout à coup, on a un barman marseillais. Je trouve que c'est un petit peu... Il représente un peu le spectre de la société parce qu'il y a un homo, un black, un gros... C'est vrai. Et donc, du coup, tout le monde peut un petit peu se reconnaître là-dedans. Donc, ils ont ce rêve fou, au-dessus de leur capacité et physique. De devenir Chippendales. Exactement, de devenir Chippendales. C'est un peu comme si Alex Vizorek rêvait de devenir Chippendales. J'ai essayé. Ils ont rien. Et c'est là qu'il a commencé l'humour. C'est parce que finalement, les gens rigolaient beaucoup quand ils se mettaient nus. Je comprends mieux votre présence. Merci. Est-ce que c'est une situation que vous avez craint, vous retrouvez au chômage? Est-ce que vous avez eu des périodes de galère? J'ai eu la chance d'éviter cette crainte-là parce que depuis 15 ans, je touche du bois. J'ai eu la chance de vivre de tas d'expériences incroyables. Comme vous l'avez dit, j'ai monté ma boîte de production, j'ai produit 3 disques, j'ai présenté 15 émissions télé. Vous êtes un peu la Bernard Tapie du moment. Bon, en tout cas, je vais là où le chemin s'éclaire devant moi. Sans faire abstraction de ce pourquoi on vous a connu. Est-ce que quelqu'un comme Brigitte Lahaie qui s'est reconvertie, qui est devenu quelqu'un d'important dans les médias et qui, à mon avis, la jeune génération ne sait pas exactement pourquoi elle a été connue et comment l'ancienne génération. Si, je pense que si. Ouais. C'est une animatrice radio aujourd'hui. Ou Catherine Ringer d'ailleurs. Oui. Alors, Catherine Ringer, beaucoup moins. Beaucoup moins? Ouais, beaucoup moins. Elle est beaucoup moins connue. Elle a des disques qui ont été très, très marquants. C'est vrai qu'elle a des chansons incroyables. Donc. C'est en bien qu'on la reconnaisse pour ça. Il faut de Mélanie la voix. Bauer. Merci beaucoup. En parlant de ça, il faut de la voix pour faire du théâtre. C'est quoi? C'est un challenge? Vous avez un micro ou vous avez vraiment travaillé votre voix? On n'a pas de micro. C'est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai une voix qui a tendance à monter dans les aigus quand je parle. Oui, j'ai remarqué. Fort. Ne me rappelez plus, c'est genre de souvenir. Et du coup, c'est pas très joli au théâtre. Alors, toute la difficulté n'a pas été sur l'apprentissage des textes pur et dur, mais plutôt sur le fait placement de la voix. Parce que je joue effectivement une chorégraphe qui ordonne, qui exige, qui demande, qui apprend. Donc ça demande un petit peu de timbre et ça a été mon travail durant ces 2 mois d'essayer d'aggraver un peu mon timbre. Et vous kiffez le théâtre ? Ah, je kiffe. Non, c'est très sympa. C'est vrai que j'ai eu une première expérience il y a 2 ans avec Nicolas Briançon, qui est un brillant metteur en scène sur les planches au Théâtre de la Pépinière. C'était, comme le titre l'indique, un cabaret, puisque c'était Cabaret Canaille. On reprenait des textes de la littérature érotique de Théophile Gautier, Maupassant et compagnie. C'était un petit peu, comment dire, culturellement très intéressant. Vous êtes bien tombé, vous êtes sur France Inter. Citez Maupassant. Et des chansons de Colette Renard, de Barbara, etc. Ouais. Donc c'était l'occasion de monter sur scène de façon différente que pour la musique. Et là, c'est encore différent vu que effectivement, c'est une comédie familiale humoristique. Humoristique, l'humour avec Clara Morgan, donc Ladies Night. C'est au Palais des Glaces et on va en reparler tout à l'heure avec Guillaume Meurice qui est allé voir la pièce et qui a interrogé les spectateurs. Suspense, vous êtes sur France Inter. Si tu écoutes, j'annule tout. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Yeah, working in a coal mine. Charbon, leader, c'est Working in a Coal Mine sur France Inter. Et autour de la table, autour de Clara Morgan, qui est notre invitée aujourd'hui, on a Guillaume Meurice qui a été voir le spectacle et qui nous ramènera des sons. Et dans l'ordre d'intervention dans cette émission, nous aurons Samir Bouadi d'abord, parce que nous avons mis la musique un peu plus loin exceptionnellement pour me piéger avec Mélanie Beau. Et c'est le moment du journal. Celui-là, il ne bouge pas. Que tout le monde attend. Il n'est jamais à la bonne heure. Parce qu'il n'est jamais à la bonne heure et surtout, il donne la véritable information toute fraîche. C'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Marine Le Pen aurait un double sur Twitter. La présidente du FN utiliserait un pseudo, Anne Lalanne. Anne Lalanne qui, on suppose, follow Paul Bismuth. Paul qui, sans doute, met souvent les tweets d'Anne en favori. Dans ce journal, on entendra Rachida Dati qui se permet de juger la carrière journalistique d'Élise Lucet, qui, gentiment, n'a pas jugé la carrière politique de Rachida Dati. Et enfin, sport, le stade de Bordeaux s'appellera Matmut Atlantique à partir de lundi pour le match de l'équipe de France. Normal entre la Matmut et les comics, c'est une grande histoire d'amour. Derrière le compte Twitter d'Anne Lalanne se cacherait en réalité Marine Le Pen, mais ce ne serait pas la seule grâce à nos investigations. Bien, nous avons débusqué plusieurs ténors dissimulés derrière des pseudos sur Twitter. Effectivement, le papa Jean-Marie Le Pen lui-même se cache derrière le compte Twitter @GGN1954. Il poste des vieilles photos de l'Algérie en guerre et donne Jeanne d'Arc qui brûle, ou l'inverse. Autre exemple, ma cabane au Canada 33. Oui. Alain Juppé balance des tweets comme celui-ci. Avec Sarko, on n'a jamais besoin d'un plus petit que soi. Voilà encore un autre. Green Tea n'est autre que Jean-Vincent Placé. Il a plus de soutien sur Twitter que dans la vraie vie. Il totalise 14 followers. François Hollande a lui aussi ouvert un deuxième compte, Flambipolaire, pour pouvoir chatter pépère avec Julie Gaillet, dont je vous livre le pseudo en passant de Julie Gaillet. Oui. Delphine 1, Valérie 0. Voilà. Quant à Nadine Morano, eh bien, on a cherché. Elle n'a pas de faux compte. Non, les conneries. Elle les tweet sur son compte officiel. Passons à Rachida Dati. Oui, l'émission Cache Investigation a voulu l'interroger. On connaît les méthodes d'Élise Lucet. Quand elle n'a pas l'interview, elle va le chercher. Et ici, c'est dans les couloirs du Parlement européen. Bonjour Rachida Dati, Élise Lucet, France 2. Vous voulez pas nous parler? Bonjour. Vous êtes sous le coup d'une enquête parlementaire et soupçonnée de conflit d'intérêts avec GDF Suez. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Pardon? Ah oui, donc elle a pas envie de répondre. Non, on sent qu'elle a pas envie de répondre, mais Élise est une excellente journaliste et ne lâche pas le morceau, elle y court derrière. Vous êtes élue, vous devez défendre l'intérêt général, donc on veut savoir si vous défendez des intérêts privés. C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement. Oh, j'ai pas peur de vous. C'est pas nous, viens, on les bloque. Acceptez une interview. Quand on voit votre carrière pathétique, la classe. Ma pauvre fille. Donc alors voilà, moi je ne vois que deux solutions. Soit elle n'a rien à se reprocher et elle est simplement vulgaire. Soit elle n'a vraiment pas envie qu'on lui pose cette question parce que la vraie réponse est encore plus vulgaire pour l'ensemble des Français. Une info people. À présent, quoique la précédente était un showy people avec Rachida Dati. Oui, Gérard Depardieu, qui est officiellement russe depuis quelques mois, veut vendre tous ses biens qu'il possède encore en France. Si ça inclut les cuves de son pinard, ça va pas être si facile à écouler. C'est pas faux. Aux télévisions, à présent, les premières infos sur le retour des guignols de l'info sont tombées cet après-midi et ça sent très bon. Ah, chouette, très bon la censure. D'après les premières rumeurs de sources internes mais anonymes, la nouvelle formule, ouvrez les guillemets, sera davantage tournée vers l'international et traitera moins de sujets franco-français, tiens. Ouais. Le ton employé devrait également être moins corrosif, du moins sur les sujets politiques, tiens. Ah bah c'est super. Ah bon? Ah bah ouais, bah ce sera diffusé à 20h30, c'est parfait. Mmh. Juste avant de coucher les enfants, regarder des marionnettes, c'est génial. Et ben oui. Donc le retour de Bonne Nuit les Petits, bientôt sur Canal+. Et on termine par le sport. Oui, le stade de Bordeaux, qui recevra son nouveau nom lundi soir pour le match France-Serbie, ce sera Matmut Atlantique. Et bien sûr, la Matmut prévoit une nouvelle campagne de pub. Ben dites donc, il joue plus Zidane. Ah bah non, ça fait longtemps. Mais c'est pour ça qu'on gagne plus. Mais il y a encore Benzema. Il y a Matmut Benzema. Ah bah non, je crois pas. Ben moi non plus, parce que la Matmut, au moins par rapport à Benzema, elle a su. Vous êtes sur France Inter, ce spot de publicité en témoigne. Ouais. On est en train de monter une équipe d'imitateurs de malades. Et ce journal de presque 17h disquette. 17 disquette. C'est le journal de presque 17h disquette. Et les sketchs, merci à Thierry Gounod qui toute cette semaine a coécrit avec nous et surtout avec Alex qui orchestre le tout. Vous aimez les imitations de Las Palès? J'aime beaucoup. Clara Morgan? J'aime les chevaliers Las Palès. Voilà, ça répond. Bon, ben vous sortez. Allez, vous sortez immédiatement. Clara Morgan, vous êtes trop gentille. C'est pour ça qu'on va rappeler que vous jouez Ladies Night au Palais des Glaces. Alors, vous nous accompagnez jusqu'à 18h. Avec plaisir. On va avec vous aborder le premier sujet, ce qui va nous permettre de connaître un peu la citoyenne qui est en vous. Nicolas Sarkozy a rappelé à l'ordre tous ceux qui auraient l'intention de brûler les étapes avant la primaire de 2016. Il met en garde ses concurrents contre les ambitions personnelles. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Je veux être le premier, moi alors! Moi aussi. Comment? Je dis, moi aussi, je veux être le premier. Mais alors, monsieur, moi je suis dans ma rue, j'ai le droit d'être le premier dans ma rue, vous n'êtes pas dans votre rue, vous! Non. Eh ben alors, allez dans votre rue, comme ça vous pourrez être le premier! Vous avez raison. Et on pourrait être le premier tous les deux, comme ça! Bien. Et vous ne bougez pas! Vous ne partez qu'après mon départ! longtemps après. Clara Morgan, est-ce que vous ne trouvez pas que les répliques de Louis de Funès vont à merveille, chacune arrive à illustrer un moment. Ils se ressemblent tellement, Sarkozy et de Funès quand même. C'est incroyable. C'est hallucinant, hein, même il physiquement. Il a peut-être regardé trop de films. Il y en avait un qui était drôle. Il faut peut-être pas non plus exagérer. C'est son idole, peut-être. c'est assez fascinant, non? Là, ça illustre tout à fait. Alors, vous savez, à droite, chacun a fait sa rentrée de son côté. Par exemple, Juppé avec son bouquin sur l'école, Copé avec une casserole, et Fillon avec... on ne sait pas parce qu'on n'avait pas vu qu'il était rentré. Bon, alors, Nicolas Sarkozy, lui, il a choisi de recadrer tout le monde, et quand il dit à ses concurrents... Il parle d'unité, effectivement, oui. Donc c'est assez étonnant, parce que même moi qui ai tendance à pencher à droite, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont plutôt... Venez vers moi, venez vers moi. Je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt culottées, effectivement, après tout ce qui s'est passé à droite. Et culotté, c'est le mot, c'est pour Nicolas Sarkozy. Mais là, est-ce que ça entache l'image qu'il a chez vous, puisque vous dites vous êtes plutôt à droite et les valeurs peut-être qu'on vous a inculquées. À choisir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, malheureusement le choix est vite fait. Oui. Ouais, pour votre côté. Moi, je trouve c'est bien, c'est rare qu'un invité dise je suis à droite sur France Inter. Donc non, mais ça va pas plus. On en a un tous les mois et demi. Donc elle a dit je penche à droite. Oui, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens de gauche qui disent nous non, la gauche ne représente pas bien. Ils sont pas contents des têtes de gondole. Est-ce que vous dites je suis de droite, est-ce que vous trouvez que les gens qui représentent la droite sont à la hauteur? On a bien vu que non, hein. Malheureusement, c'est vrai que c'était extrêmement décevant, c'est pour ça qu'il a perdu lors des dernières élections. Maintenant, la gauche, j'ai toujours un petit problème avec, quand on m'explique le principe de la gauche caviar, j'ai toujours un petit problème parce que pour moi, soit on est pour le peuple et on donne tout et à ce moment-là, on n'a pas de limite à ça, effectivement, à donner son caviar, ou alors on est de l'autre côté et on dit non, l'argent ça se mérite, il faut travailler. Et on est de l'autre côté, alors le centre m'étonne toujours un petit peu. Et justement, ce côté mérite, ces valeurs qui vous font pencher à droite, dites-vous, c'est ce que vous ont inculqué les parents, c'est-à-dire l'effort, le travail, etc., c'est ça? Oui, tout en étant coiffeur, salarié. Vos parents étaient coiffeurs, c'est oui, ça hein. Effectivement, salarié, ouvrier. Et c'est vrai qu'on m'a donné, l'envie, le goût du travail. Alors ça peut faire rire certains et évoquer certaines vannes. Pas du tout, personne n'a réagi. Certaines vannes de assez bas du front. Pas ici. Mais le fait que qu'à 19 ans j'ai choisi de me libérer, on va dire, et puis de tenter des choses, n'a duré. C'est contre vrai. Votre éducation en fait un peu. Oui, complètement. J'ai une éducation plutôt rigoriste. Ça a pas été simple pour moi de m'affirmer en tant que femme libre et responsable de son corps. J'avais besoin de briser le moule qui avait été conçu pour moi. Donc oui, j'ai franchi des limites. Oui, ça peut choquer. Mais ça a duré un an, de 19 à 20 ans. J'ai pas couché avec la terre entière. J'ai couché avec mon petit ami de l'époque, avec lequel j'étais depuis 5 ans déjà. Et ensuite, je suis passée à autre chose. J'ai eu la chance qu'on me propose des choses, notamment Canal+. Je sais pas si Bolloré... Le journal du Havre. Je sais pas si Bolloré... Ah, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On m'aurait donné cette chance. Mais en tout cas, pendant 7 ans, j'ai appris un métier, la présentation télé. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller sur plusieurs chaînes. C'est ce qui vous a permis de ne pas connaître de période de vache maigre. Voilà, Discovery Channel, Énergie 12, et de produire mes calendriers, et de monter ma boîte, et Est-ce que vous pensez qu'en France, quand on veut trouver du boulot, on en trouve forcément? Ah non, je ne pense pas ça, non. Ah ben voilà. Bien sûr alors que non. Comment faire? Mais c'est vrai que... Il y a quand même 3 millions de chômeurs, c'est ça le problème? Effectivement, je suis d'accord, c'est un problème le chômage, c'est le problème dont parle ma pièce. Donc c'est pour ça que j'étais heureuse de pouvoir participer... Il avait adoré la pièce, il va détester, je promets. Non. Donc avec une fibre sociale, vous voulez dire? Mais bien sûr, au tout début de la pièce, on entend les présidents de la République qui, tour à tour, font la promesse que le chômage va s'améliorer, qu'on tend vers des solutions... et vers un monde meilleur. On voit bien que ça ne marche pas. Alors, est-ce que notre pays mais va donc dans ça pose le la question mauvais du mérite. Sens ? Ça pose la question du mérite. Parce qu'il y a des gens qui sont au chômage, mais qui ne méritent pas d'être au chômage. Donc, une société ne peut pas être basée sur le mérite. Il essaye de vous faire passer à gauche. C'est contagieux, faites gaffe. Non, mais on va dire quand même qu'on est dans une société où le mérite peu payée, où lorsqu'on fait des études, on va à l'école, on apprend à écrire, à lire notre langue, on voit que c'est de plus en plus rare sur les réseaux sociaux, on a quand même plus de chances d'obtenir une place, etc. Ça n'est pas une vérité absolue, évidemment, et je le déplore. Bon, quoi qu'il en soit, il faut toujours mieux faire un effort que ne pas en faire, n'est-ce pas ? Non, effectivement. En tout cas, on peut monter sa boîte facilement, on a des libertés de parole, on a une petite marge de manœuvre, c'est vrai, qui m'a été offerte et j'ai eu de la chance. Moi, j'ai sauté, oui, tout à fait. Sur l'occasion. Bien vu. C'est pas nous qui vous ouvrez la porte. Si vous ouvrez la porte. Vous savez quoi, j'ai tellement l'habitude, je l'ai fait moi-même. Attendez, on va mettre une chose au point. C'était pas du tout un jeu de mots. Non, mais c'est moi. Vous savez quoi, j'ai l'esprit très mal placé. Oui, alors en fait, je pense que vous pensez qu'on interprète à chaque fois. Il y a toujours une deuxième grille de lecture. Écoutez, je suis une femme dans un pays un peu sexiste. Terriblement machiste. J'ai l'habitude. Alors, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On va se liguer contre ça. Samir Bouadi. Oui, bonjour. Vous aussi profitez de cette marge de manœuvre. Très bien, et de ce micro. Ben, écoutez, on va parler un peu de Ligue 1. J'en parlais tout à l'heure. Puis en plus, on a la chance d'avoir une Marseillaise avec nous. Pour nous, c'est important. C'est un peu dommage, Marseille, ce qui se passe en ce moment, Clara. C'est tout pas fait, grave. Je vous l'accorde. On va parler d'autre chose. Bon, alors c'est quoi ? On va parler de Ligue 1, Charline. C'est quoi la Ligue 1 ? Alors faisons un peu de pédagogie sur la Ligue 1. Prenez des notes. Prenez des notes, mes amis. C'est donc le foot français dans toute sa splendeur. Hein, c'est-à-dire avec des joueurs d'origine souvent étrangère qui restent en France le temps de faire gagner leurs équipes et qui par la suite sont rachetés à prix d'or pour jouer dans des championnats étrangers. Il y a beaucoup de trucs à gagner, quoi. Alors je me permets de rappeler que les trois plus grands joueurs de l'histoire du foot français sont pas si français que ça. Hein. On va parler de Coppa, de Platini, de Zidane. Enfin, moi je dis ça, j'ai rien dit. Alors voilà en gros ce que c'est que la Ligue 1, une grosse machine à former des joueurs et à les revendre très cher. La France-Afrique, Charline, grâce à la Ligue 1, c'est pas fini. C'est ça qui est bien aussi. Hein. Grâce la France-Afrique Qatar. La France-Afrique Qatar. Non, parce que tous les ans, on fait venir des petits gars du soleil qui n'ont jamais vu la neige et qui tentent de pas glisser sur le verglas des centres de formation de Nancy ou de Lille, ou d'ailleurs, avant pour la plupart de se péter le tibia et de rentrer chez eux. Voilà. Alors, à Paris, c'est différent. Il y a le club de la capitale qui fait l'inverse, qui achète des joueurs étrangers très très bons, déjà très très bien formés, très très chers, pour les faire jouer chez nous. Hein. Puis il y a aussi l'exception qui confirme la règle, Monaco. Hein. Enfin, vu le système d'imposition d'un Monaco, on sait toujours pas si sur le rocher, l'équipe de Monaco est une équipe de Ligue 1 ou pas de Ligue 1. C'est un peu compliqué. On a même pensé à une époque, figurez-vous, faire jouer Monaco contre Monte Carlo. Hein, de s'offrir une sorte de derby, un mini championnat passionnant, diable, faut imaginer. Non, franchement, c'est génial la Ligue 1. Ça joue mal au foot, mais c'est passionnant. Hein, mais oui, mais c'est la France, la vraie, c'est le déclocher. Alors moi, à l'idée de me taper Caen, Lorient, par exemple, je suis pas dingue. Hein. Mais enfin, il y en a que ça intéresse. Hein. Il y a des vrais passionnés. Hein. Ils ratent aucune émission télé. Ils relisent 4 fois l'équipe. Ils se fattent tous les débats sur toutes les chaînes info. Voilà. Alors tu vois, pour être tenu au courant de tout, quoi, de la forme des joueurs, de l'état d'esprit de l'équipe, enfin tout ça. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, les rédactions sont un peu occupées à traiter de l'horreur des migrants. Hein, tous ces pauvres gens qui tentent de rallier les côtes européennes pour fuir l'effroi, le crime, le viol. Alors, on est tellement habitués à l'indicible que, logiquement, on n'en parle pas. On est anesthésiés. La mitridatisation opère, mes amis. Alors, il faut une photo pour que les grands de ce monde déclarent en cœur. Ça suffit, va falloir faire un truc. C'est quoi ce bordel ? Ben oui, les gars. Faites votre job. Ben oui, c'est ça. Ça serait bien. Faites votre job, les gars. Ça suffit. Hein. Enfin, heureusement, il y a la Ligue 1. Hein. Parce que la Ligue 1, c'est super parce qu'on se parle. Le lien social existe. On s'insurge. On gueule devant sa télé, on insulte un salaud qui tacle par derrière, on pleure de joie lorsque notre joueur préféré égalise à la dernière seconde, évitant ainsi à son club une relégation en Ligue 2, véritable purgatoire, où vont se lamenter durant de longs mois des joueurs amputés d'une partie de leur salaire. Les femmes aussi de joueurs errent alors dans les rues de ces petites villes de province, il faut y penser, le moral en lambeaux et le Gucci râpé. Honteux. Ah, la Ligue 1 et ses joueurs de 19 ans que l'on transfère de Monaco à Manchester United pour 80 millions d'euros. Le jeune Anthony Martial ne prendra pas l'Eurostar et ses tunnels maudits. Non, lui, c'est par les airs qu'il se rendra en Angleterre où il fera fortune. C'est beau comme un conte de fées, quoi. Ben, n'en déplaise à tous ceux qui trouvent ça scandaleux, parce que moi, je pense que le vrai scandale est ailleurs. Hein, si la religion est l'opium du peuple, le foot en est le pinard. Hein. Beaucoup de piquettes et parfois, des grands crus. Hein. Mais bon, par les temps qui courent, qu'importe le flacon, pourvu qu'on a l'ivresse. Merci Samir Bouadi. C'est bien dit. C'est du jaja la Ligue 1 alors. Oui, c'est un peu parfois. J'ai pas compris, il aime le foot ou pas? Répondez Samir Bouadi. Les grands c'est rien. Il aime le foot mais il est sur France Inter, il assume pas. Bah ouais, les grands crus et surtout je déteste les gens qui considèrent que les gens qui aiment le foot sont des connards. Voilà. Ah bah alors on va s'aimer. on va s'aimer. Sur une étoile. Ça balance. Avec Clara Morgan jusqu'à 18h et un face-à-face avec Guillaume Meurice dans quelques minutes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Beyrouth, non, non, non, sur France Inter avec Clara Morgan qui regarde si ça tweet sur le hashtag annule tout. Oui, j'ai pas encore bien vu. Avec le viseur avec ça tweet. Écoutez, à mon avis, l'idée que vous ayez dit que vous étiez de droite, à mon avis, ça va marcher. Que ça dit va Anne Lalanne ? Est-ce que Anne Lalanne nous écoute ? Anne Lalanne n'a pas encore tweeté des bases. Ah, voilà. Je vais faire un petit bilan. Non, mais de prendre position, ça crée toujours des mécontents, des contents de l'autre côté. Je regarde, mais pas tant que ça, figurez-vous. Ah, ça va, là. Je sais pas si c'est votre voix. Les gens sont barrés, il n'y a plus personne. La France, c'est 50-50. Surtout qu'ils savent que c'est le moment de Guillaume Meurice. Il faut toujours rester franc, la radio. C'est le principal. Oui, moi je vais vous parler de deux événements majeurs de cette rentrée théâtrale. Bien sûr, le spectacle d'Alex Vizorek qui reprend au studio des Champs-Elysées. À partir de lundi. Et celui de Clara Morgan qui a commencé au Palais des Glaces et aussi de Samir, allons-y. Merci. Non, mais, alors, oui, parce qu'il est juste avant nous. Mais oui, voilà. Ah, voilà. Tant qu'on y est. Allez-y, foutez en l'air ma chronique, il n'y a aucun problème. Je suis désolé, on prend le 10 septembre, donc du jeudi au samedi. Au Palais des Glaces. Donc vous allez croiser Clara Morgan qui vient. Il n'y a qu'un seul ticket de métro. Vous venez le voir et ensuite vous regardez les Disney. Nous, on a prolongé uniquement pour être à côté d'elle. Voilà, voilà, bah c'est parfait. Alors, si j'ai choisi quand même l'exemple d'Alex et Clara, c'est qu'évidemment, il y a un lien entre les deux. Parce que je rappelle qu'Alex, vous êtes féru de documentaires et que vous, Clara, on vous a vu dans pas mal de documentaires traitant le plus souvent de la reproduction des mammifères, plus précisément celle des Homo sapiens. Mais là, on va bien parler de... Sapiens. On dit sapiens maintenant, on ne dit plus qu'Homo sapiens. Mais là, on va bien parler de théâtre. Moi, je me suis rendu devant le Palais des Glaces où vous jouez cette fameuse pièce, hein, Ladies Night. Je suis allé interroger les spectateurs. Oui, parce que pour qu'il y ait théâtre, il faut qu'il y ait spectateurs. J'en parlais dernièrement avec BHL qui ne comprenait pas bien le concept. Mais si, si, hein, je confirme, c'est vachement important les spectateurs. D'ailleurs, commençons avec un couple. Est-ce que le mari connaissait Clara Morgan ? Je sais ce qu'elle a fait dans le passé, mais... Au cinéma, plutôt, alors ? Oh non, je ne l'ai jamais vue. Ah bon ? Non. Vous croyez votre mari ou pas ? On va dire que je vais vous dire ça après. Voilà, bon, dès que je peux foutre un petit peu la merde dans un couple, vous pouvez compter sur moi. Tiens, d'ailleurs, continuons avec un autre couple. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment la Clara Morgan que l'on dit. Vous la connaissez pas avant ? Pas du tout. Pas du tout, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre honnêtement à ce sujet. Mais sincèrement, si c'est elle, elle a bien rattrapé le coup. Hein. Je ne sais pas de quel coup il veut parler, ce brave homme, et je pense ému au nombre de blagues de mauvais goût que j'aurais pu faire si on était dans une émission de Coé. C'est un peu frustrant. Mais là, on est sur France Inter, hein. Donc si on parle de sexualité, c'est pour évoquer les racines latines de la syphilis, hein, replacer la maladie dans une perspective sociologico-politique. Donc je vais m'abstenir. C'est souvent ce qu'il y a de mieux à faire, d'ailleurs, quand on parle de syphilis. Alors, ce spectateur, il n'était pas bien sûr que vous étiez la vraie Clara Morgan. Parce que oui, il y a des spectateurs qui avaient entendu parler de vous et de votre carrière. On m'en a parlé. Ouais, un ami vous a dit ? C'est ça. C'est souvent, c'est comme ça que ça marche. Et ça vous a donné envie d'aller voir ces films ou pas du tout ? Bah oui, par pure curiosité artistique. Et ça vous a plu ? Légèrement. Voilà, je veux voir à quel point elle peut mettre ça, elle peut rendre ça sur scène en live. Ah, alors lui, il a dû être un peu déçu parce que c'est vrai que dans le milieu du théâtre, il y a pas mal de faux culs et que dans les Disney Night, on peut en voir des vrais, mais on ne voit pas le vôtre. Et puisqu'on parle de faux culs, poursuivons. En fait, on vient de se rendre compte que c'était avec Clara Morgan, on avait vu ça, Palais des Glaces. Vous aviez pas vu avant ? Même pas. Bah non. Bah, je vous rappelle que je suis sur l'affiche. Hein. Voilà, mais c'est et, pas normal. Et non, en mais... très gros. C'est pas des gens qui s'intéressent à ça. Ça, c'est plutôt des non, gens qui. Affiches. Non, d'accord. Ils vont au théâtre pour le régisseur général qui fait un super boulot. Alors, le mec qui range les cintres, qui passe la balaise, c'est vrai qu'il est excellent. Alors, il y en a d'autres qui n'étaient pas au courant non plus, mais pour d'autres raisons. Bah, je sais pas. Alors, c'est madame qui a choisi, donc j'étais pas au courant que j'allais voir Clara Morgan. Donc. Ah, c'est sympa, vous offrez à votre mari Clara Morgan pendant une heure et demie. Oui, enfin, oui. Oui, enfin, voilà, façon de parler. Enfin, presque. Ouais, presque. Mais c'est plutôt sympa quand même comme cadeau parce que c'est pas forcément évident de dire à sa femme tiens, chérie, si on allait voir Clara Morgan au théâtre. Hein, y en a pour qui c'est encore peut-être moins évident, ce sont les comédiens. Quel effet ça fait de dire à sa copine tiens, au fait, ouais, je t'ai pas dit, mais je vais jouer avec Clara Morgan. Qu'en pense un membre de la troupe, Jérémy Malaveau ? C'est étonnant. C'est pas comment l'annoncer. C'est pas si elle va partir, si elle va encore te parler ou si. Et finalement, comme elle a déjà rencontré Clara en répétition, c'est devenu les meilleurs amis du monde. Et heureusement pour moi, parce que c'est génial. Non, mais moi, c'est un rêve de gosse. J'ai vu tous ses films, sa filmographie, je l'adore. Et là, aujourd'hui, bah voilà. je lui donne ma réplique. Et c'est vrai qu'on est plus à poil qu'elle, c'est assez étonnant. Oui, c'est vrai, vous beaucoup êtes la plus à habillée. Poil. Non mais excusez-moi, ils finissent nus. Hein. Ben oui, ben complètement, vous êtes la plus habillée du spectacle. Ben oui, c'est fou, ça étonne beaucoup Jérémy, qui n'avait visiblement pas l'habitude de vous voir avec autant d'habits. D'ailleurs, quel effet ça fait d'être nu sur scène? Réponse avec un des autres comédiens de la troupe, Vincent Piguet. Eh ben, ça, je m'étonne moi-même, parce qu'effectivement, au départ, tu te dis, oh là là, dans quoi je m'engage? Et finalement, bon, on le fait assez facilement. Nous, maintenant, du coup, dans les loges, on est constamment à poil, on se caresse un peu, c'est très sympa. Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Voilà qui devrait inciter tout le monde. Eh oui, il faut être libéré. Eh oui, non seulement il faut aller au théâtre, mais aussi faire du théâtre sous toutes ses formes, au-delà des querelles de théâtre public ou privé, populaire ou élitiste, intellectuel ou visorec. Car, comme le disait Zola, chaque fois qu'on voudra vous enfermer dans un code en déclarant « ceci est du théâtre, ceci n'est pas du théâtre », répondez carrément « le théâtre n'existe pas, il y a des théâtres ». Et je cherche le mien. Merci Guillaume Meurice, qui a donc fait la promotion d'Alex Vizorek, de Samir Boadi, et oui, sauf la vôtre. Promotion, il a balancé quoi. Guillaume Meurice, vous serez à Pucé dans l'Essonne, samedi, voilà, demain soir à 20h30. Et on ne fera pas de commentaires, je pense que la ville se suffit elle-même pour voir la carrière de Guillaume Meurice. Effectivement, vous pouvez aussi, tant qu'on est à la promotion, vous pouvez aussi voir tous les jours à Radio France en régie Benjamin Riquet à la réalisation, Claire-Sophie Collet et Nathalie Romero à la préparation et à la technique, Nicolas Slimani aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 18h avec vous, Clara Morgan. Deuxième sujet, Vincent Bolloré a placé ses hommes dans l'organigramme de Canal. Voici le message qu'il a adressé hier aux salariés de la chaîne. Qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée? Tu me déçois énormément. Quant à toi, Bonsoussan, Monsieur Manhattan n'a pas de temps à perdre avec un petit salarié de l'image. Alors qu'il va me foutre le temps d'ici. Retrouver tes marionnettes en mousse. Tu reviendras en rampant, salopard. Hein? Tais-toi! Je te flagelle la gueule à coups de cravache. Vous préférez jouer des tours de compte dans le dos de votre bienfaiteur, hein? C'est ça? Les pipis, les cacas, les zizi, les touffes, tout ça, c'est amusant, hein? Ça fait rire, hein? Et ça te fait encore rire, visiblement, toi, hein? Et ça te fait rire, hein? Alors, comme le dit le Figaro ce matin, Vincent Bolloré est désormais le seul maître à bord. Quand on sait que Canal était le symbole de l'indépendance en télévision, vous qui y avez goûté à partir de 2001 en présentant le journal du Hard, vous avez vu ça comment, l'arrivée de Bolloré et cette purification en règle de l'esprit libre. C'est une arrivée fulgurante, hein, c'est ce qu'on peut dire de mieux. C'est vrai que toutes les têtes qu'on connaissait depuis des années maintenant, Belle-Mère, après Kian, je crois qu'il y est toujours, mais il est un petit peu sur la sellette. Il s'est fait limoger de D8. Ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'un petit peu tous les repères de Canal ont disparu. On espère que la ligne éditoriale qui fait quand même le succès de la chaîne restera. Est-ce que vous y croyez? Sur une échelle de 1 à 10. Clara Morgan devient très politique. Non, mais en même temps, comment vous imaginez Canal+? C'est-à-dire que les gens y vont pour certaines raisons quand même. Une liberté de parole. Liberté de programme. Voilà, donc on se demande ce que ça peut devenir, c'est vrai. Quel souvenir vous avez? Est-ce que lorsque vous faisiez le journal du Hard, vous étiez un petit peu dans les bâtiments, dans cet esprit? Vous avez fréquenté un peu le... Oui, c'était... Vous êtes un peu nostalgique de cette époque ou pas? Moi, la grande époque était quand même derrière. C'est-à-dire que je sais que ça a été beaucoup la fête chez Canal. C'est leur fête maintenant aussi. Hein. Ça a été beaucoup la fête avec beaucoup de, ils ont pris beaucoup de beaucoup liberté. Beaucoup de tutes et de tutes. Et de liberté. Ouais, et de liberté. Ensuite, à t'as mon époque... T'as pas quelques grammes de liberté sur toi? Et tutes, j'écris ton nom. À mon époque, ça a été beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que j'avais... quand j'ai présenté le journal du Hard, j'avais 20 ans. J'avais l'impression qu'on me donnait la possibilité de m'exprimer sur une grande chaîne, que tout à coup, c'était les derniers à pouvoir parler de sexualité. J'avais l'impression d'être... une privilégiée. J'avais cette fraîcheur par rapport au regard que j'avais sur Canal. Je ne sais pas s'ils vont réussir à conserver cette fraîcheur. Elle s'était déjà amoindrie un petit peu avec... Moi, j'aimais beaucoup moins le Grand Journal, par exemple, qu'à la grande époque du Grand Journal. J'adore Maïtena, donc je sais qu'elle va reprendre les rênes. Je suis très impatiente de voir ce que ça va donner parce que je l'adore. Suspect, il y a déjà une grande décision, hein, comme de Bolloré. Donc D8 et D17, ces Coperniciens sont devenus C8 et C17. C'est la révolution, en effet. Allez, à cette heure-ci, nous accueillons Mélanie Bauer dans l'équipe. Ah oui, oh, Mélanie, ah, mais oui, c'est vrai. Mais de quoi allez-vous nous parler? Bah, de musique, évidemment. Oh, bah, c'est oui, un petit peu mon cheval de bataille. Le mot du jour, on l'a choisi ensemble. Hein, c'est sexy, c'est en votre honneur. Je vous remercie. On est, c'est vrai, hein, encore tout gonflé des hormones de l'été. Hein, on frissonne sur le torse nu de Picasso dans les rues de Paris. On fait rêver la ménagère de plus de 50 ans. Oui, de plus de 50 ans grâce à un baiser. Un French baiser très hot entre Mylène Farmer et Sting sur les bords de Seine pour une chanson qui évoque l'adultère. Alors sexy, pas sexy, tout est relatif. Hein. Certains ont besoin de stimulation, d'image, vous êtes bien placés pour le savoir, pour atteindre l'orgasme. Pour d'autres, la musique suffit, selon une très sérieuse étude scientifique, hein, pour une petite proportion de mélomanes, 5%, la musique peut provoquer un orgasme. Par exemple, avec le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff, déclencheur chez les mélomanes d'orgasme de la peau. Ah bon ? On essaye. Confirmé, c'est vrai, j'ai fait avoir plus d'orgasmes à des femmes en passant du Rachmaninoff qu'en couchant avec. Non, mais j'ai pas senti. Et voilà. J'ai effectivement chez vous pas senti d'orgasme de la peau. Mais avec Tata Yuyo, ça marche. Et voilà comment avoir un orgasme sur France Inter. Exactement. Alors, c'est vrai que on n'est pas tous égaux hein, face aux frissons culturels. Hein. Par exemple, qui est excité par Michel Sardou en couve de la revenue Schnock, qui sont celles qui frissonnent en écoutant Femmes des années 80, Femmes jusqu'au bout des seins, celles qui trouvent sexy Aznavour, qui avoue dans Femme actuelle à 91 ans avoir eu beaucoup d'aventures entre ses mariages. Aznavour, qui a par ailleurs écrit la plus belle chanson d'amour de tous les temps, Tu te laisses aller, une sombre histoire de bigoudi. Qui tremble J'adore de cette plaisir. Elle est sublime, cette Elle est chanson. Géniale. Qui tremble de plaisir en apprenant la reformation de téléphone version smartphone hein, sans la meuf. Je me demande si ces fans sont les mêmes. Ou les pères des adolescents excités par les rixes de mauvais garçons de Boulogne, hein, Booba et Dame 16 qui se battent à coups de ceinture pour une histoire de t-shirt même pas mouillé. Hein. Est-ce que c'est sexy ? Faut dire qu'il y a des mystères. Moi, par exemple, j'écoute David Bowie nu en tablier en faisant la vaisselle. Que penser quand j'apprends qu'il compose en ce moment la musique de la comédie musicale Bob l'éponge? Je fais quoi? Bah pour la vaisselle, c'est pratique. Face à cette terrible nouvelle, j'achète un lave-vaisselle ou bien je me souviens du Bowie version électro iconoclaste. Cherchez pas à dire rien d'autre, hein. Sex and the Chops, c'est mieux que ça dans la chanson. C'est sur un album totalement oublié qui est sorti en 93, s'appelle The Buddha of Surbubia. Alors, qu'est-ce qui est sexy si on en croit la querelle de l'été, hein, opposant Lou Doyon à l'ensemble des vedettes afro-américaines en string? Il faudrait être sexy, mais pas sexuel, agiter son poum-poum pour de bonnes raisons. Lou Doyon qui a choisi Taylor Kirk de Timber Timbré, hein, vous savez, il a une très très jolie moustache et il est absolument pas sexy pour produire son nouveau disque Laylo. C'est mélomane, mais effectivement, pas très sexe. Alors, où trouver de la musique sexy? Je propose le sexy intello genre prof de maths avec Nicolas Godin, hein, membre du duo R, qui sort Contrepoint et s'inspire de la technique musicale du contrepoint de Bach. Ah. Vous demanderez à André Manoukian hein, qui vous explique. Pour les amoureux des grosses bouches susurreuses, il y a Lana Del Rey, évidemment, mm-hmm. hein, et son nouveau disque Honeymoon, et puis l'album de Zach Condon. Hein, quand on s'appelle Condon, on est forcément sexy. C'est Beyrouth, hein, ça passe sur France Inter, non, non, non. Enfin, il y a Ibrahim Malouf et sa reprise de Beyoncé, Orgasme de la peau, Beyoncé et la trompette. Une belle histoire d'amour. Je vous laisse la trompette d'Ibrahim Malouf qui me fait plus de la peau. J'adore Ibrahim Malouf. Voilà, mais je vais creuser le sujet si vous voulez hein, quand je reviendrai. Avec grand plaisir. Merci Mélanie Bauer pour ce moment sexy. Vous validez Clara Morgan J'ai adoré cette rubrique. Effectivement, j'ai vu l'article de Loudoyon. Oui. Qui, elle est en une du cahier du Figaro aujourd'hui, si je ne m'abuse. Pour reparler de cette histoire, non. Ça c'est sous le tapis, là. Allez, on va passer avec vous le troisième sujet. Clara Morgan, l'Obs consacre un long article au site porno amateur Jackie et Michel, où l'on apprend qu'ils étaient instituteurs et que désormais, ils sont soumis à l'ISF. Ils ont su faire fructifier l'affaire. Ah bah oui. En fait, je voulais vous voir, c'est rapport au stock de DVD. Hein, on est en rupture sur beaucoup trop de titres. Par exemple, grosse pute 5, on en a plus du tout. C'est quand même l'identité de la boîte. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait toujours y en avoir en stock. Pensez à lancer le 6. C'est comme pour le Seigneur des Anus. Ou la série là sur les artisans de France. Eh ben, y en a qui se vendent comme des petits pains, d'autres pas du tout. Alors, c'est un long article dans l'Obs qui... C'était Hard, non ? Oui, c'était un extrait de Hard. Bien vu, vous êtes vigilant avec les oreilles. Un réalisateur qui travaille pour le site Jackie et Michel explique « Nous faisons du porno de province, pas pour les Parisiens bobos. On est les Patrick Sébastien du sexe. » Et ils expliquent qu'ils utilisent des décors de sous-préfecture. Bah, c'est pour vous, c'est pour France Inter, donc. Quoi, normalement, oui, il y a des bobos parisiens qui écoutent aussi. On avait reçu Grégory Dorcel qui nous parlait justement de l'élégance extrême de ses filles. Mais qu'il y travaillait là-dessus. C'est crème, un peu... Non, enfin, je veux dire, il tient beaucoup à l'imagerie, peut-être même un peu ancienne aujourd'hui, de ce porno-là, opposé, je pense, à celui-ci. Moi, je ne m'y connais pas très, très bien. Mais... Quel regard vous avez là-dessus? Parce que c'est à l'opposé de ce qui se faisait avant. Je vais vous décevoir, je n'ai jamais vu ce qu'ils font. J'en ai vaguement entendu parler, parce que c'est vrai qu'ils ont. On va organiser une séance de projection, on peut en parler. Ça, moi, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'ils font. Alors, c'est mon moment pour me dire mon nom. Au moment où j'ai une grosse question bien naïve. Qu'est-ce qu'ils font? C'est du porno amateur, c'est papy et mamie et leur vibromasseur, alors c'est des couples. Alors, et c'est gratuit, que vous avez étudié le sujet quand même, non? Mais c'est-à-dire que c'est un peu plus amateur, mais aujourd'hui le porno évidemment a changé parce qu'avant il y avait que Canal+, et c'est sans doute les premiers abonnements de Canal+ sans doute dû essentiellement à ça. Et aujourd'hui vous tapez n'importe quel mot un petit peu vulgaire sur Google, vous avez toutes les images que vous voulez. Donc évidemment l'industrie a changé. Oui, ce sont des amateurs qui voilà, ce qui pose un problème parce qu'on peut évidemment les reconnaître et certains témoignent dans l'Obs qu'ils ont perdu leur job parce qu'on travaille au surgelé chez Picard et puis on vous connaît et puis vous faites virer. C'est comme dans la musique en fait, hein. C'est un peu le même problème. Oui, oui, tout est gratuit sur Internet. Ben, en parlant faux. Musique, Clara Morgan, vous avez peut-être pas vu, il est dans votre dos, faites attention, c'est Frédéric Fromet. Mais oui, c'est notre barde du vendredi. Ah, il vient dire bardes. Du bien de tout le monde, enfin presque. Quel est le thème du jour, Frédéric Fromet? Mais bonsoir, je voudrais rendre hommage aux migrants de la semaine. Adieu. Pensez qu'il vient de chez nous, avec sa peine et ses malheurs, et son accent pour dire Vadiou. Le migrant, le migrant, le migrant. Il ne vient pas en bateau, ni en camion, mais en tracteur, pour emmerder les parigots. Le migrant, le migrant, le bouseux, le migrant de la FNSEA. Il aurait pu être un petit producteur de légumes bio au rayon primeur, prendre l'apéro sans l'ombre de Belin, mais sa vie à lui, c'est d'être un bourrin. Je vais encore me faire plein d'amis. Oui, nous aussi. Merci Daniel Guichard. Il dit qu'il vit dans la peur, qu'il se sent menacé de mort, mais son seul danger c'est le chasseur, et souvent c'est lui le chasseur le dimanche, pam pam pam. Il dit qu'il n'a pas un rond, qu'il faut qu'on pleure sur son sort, qu'il n'a pas assez de subventions. Le migrant, le migrant, le pécno, le migrant de la ferme des 1000 vaches. Avec les éleveurs, il faut craindre le pire, quand on voit que Daesh fait péter Palmyre, notre plouc avec sa fourche dans une colère sourde serait bien capable de détruire le Louvre. Vindiou ! Faut-il parler de fuite d'eau ou d'une fuite de lisier pour ce migrant à gros sabots, le migrant à 40 à l'heure sur l'autoroute? Migrant est-il le bon mot ou faut-il dire le réfugié pour cet exilé au teint rougeau? C'est le bouseux, le pecno, le cutéreux, le salaud, le champion des nitrates. J'attends la photo du gros exploitant qui me fera chialer. Oh le pauvre enfant. J'entends la filière porcine qui gronde. On peut pas accueillir toute la filière du monde. C'est vrai ça, qui voudrait chez soi d'un producteur de porc? Même pas vous, Clara, qui avez joué dans les films cochons. Et dire qu'il vient de chez nous, écrabouillé par la misère, sur son tracteur de milliardaire. Le migrant, le migrant, le migrant, le migrant de la FNSEA. Merci. Yeah. Le nouveau Renaud. Il est bien. Ah. Le nouveau Renaud. C'est dit. C'est Frédéric Fromé que vous pourrez voir. On n'a plus besoin de Renaud. Que vous pourrez voir dans le Lot à l'Hivernon. Ouais. Frédéric, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est une soirée hard rock et je serai au milieu. Voilà. Donc je pense que s'il y a quelques paysans dans le coin, on ne vous retrouvera pas vendredi prochain alors que vous êtes invité. À cause de gens comme Frédéric Fromé que Bolloré ne nous engagera jamais. Et rien que pour ça, on vous remercie. Nous étions avec Clara Morgan. Je rappelle qu'on peut vous voir sur scène au Palais des Glaces pour Ladies Night. Du mardi au samedi. À quelle heure? 21h30. À 21h30. Venez nombreux, vous passerez un excellent moment. D'humour. Oui, c'est vrai, c'est d'humour, tout à fait. Au Palais des Glaces. Merci Clara Morgan. Merci beaucoup. C'est la m'avoir fin de invité. Cette émission. Merci à tous. Morgan. On se retrouve bien sûr lundi. Et voici le mot de la fin en hommage à Sylvie Joly. Pardon. Oh, c'est cette mousse au chocolat. Oh, qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du vieux lait. Ah, bah vraiment, elle n'est pas fortiche. Oh, je t'aurais pas dans une mousse comme ça, moi. Même en camping, tu me l'as foutée sur la figure et t'aurais pas eu tort.